بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer donc maintenant notre cours numéro 32 dans l'explication du livre عقيدة السلف وأصحاب الحديث de l'imam الصابوني رحمه الله avec les commentaires de Cheikh Rabi bin Hadi al-Madkhali حفظه الله تعالى. Et on est dans la section maintenant où l'imam al-Sabouni, il explique la aqidah des salafs au sujet de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala de al-Nuzul et al-Maji. Al-Nuzul ou al-Maji. Et on a expliqué un peu au départ de quoi il s'agit. Hein, quand on parle de al-Nuzul, la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala au dernier des cieux, le ciel de la dunya au dernier tiers de la nuit. Et Al-Maji, c'est la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Donc au dernier cours, on s'était arrêté à la mention de la parole de l'imam As-Sabouni lorsqu'il a cité Abu Bakr al-Ismaili. Abu Bakr al-Ismaili, on a expliqué que c'est un des imams parmi les imams. Et il a un livre qu'il a écrit pour les habitants de la ville de Jailan, dans lequel il affirme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et il clarifie la aqidah des salafs. Et ce livre-là, il a été publié, alhamdoulilah, et il existe. Et je pense même que certains parmi les ulama, ils ont même fait des commentaires sur ce livre, sur cette aqidah de l'imam al-Ismaili. Donc, le Cheikh Rabi, il continue avec son explication, il dit: وذكر الإسماعيلي في هذا الكتاب قول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقال وجاء ربك والملك صفا صفا ثم قال ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف يعني نؤمن بذلك كله وأنها حقائق ثابتة لله عز وجل ولكن لا نكيف لأن الله ما أخبرنا بكيفية مجيئه ولا كيفية صفة من صفاته ولهذا قال فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل أي أنه لم يبين لنا كيفية ذلك فلا نكيف فالصفات إذن ثابتة لله لكن الكيفيات لا دخل لنا فيها لأن الله لم يخبرنا عن كيفيات هذه الصفات وهي أمر غيبي ومن جهة أخرى أن الله ليس كمثله شيء ولذلك قال فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه أي فانتهينا إلى الذي أحكمه وهو الصفات كالعلم والقدرة والإرادة والاستواء والنزول والمجيء ونحوها من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة فهذه هي التي أحكمها أما الكيفيات فما بينها لنا ولذلك كففنا عنه كففنا عن الكلام والخوض فيها لأنها من القسم الذي يتشابه فنحن نثبت ما أحكمه الله وأثبته لنا من الصفات وأنها حقائق ثابتة لأنها خبر الله الصادق وكلامه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فنؤمن بكل ما أخبرنا الله به وأخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم أما كيفيات الصفات فما أخبرنا الله ولا أخبرنا رسوله بها لا فلا نكيف أبدا فلا نكيفها أبدا فإن المشبهة تدخلوا وكيفوا والمعطلة عطلوا ونفوا كلهم على ضلال وكلهم على ضلال والمنهج الصحيح هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من الإيمان بهذه الصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. Donc ici le cheikh il explique, il dit donc que l'imam al-Ismaili, Abu Bakr al-Ismaili, rahimahullah, il a mentionné donc dans ce livre à propos de justement de ses attributs, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité le verset 210 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Qu'attendent-ils sinon que Allah leur vienne à l'ombre des nuées, de même que les anges, et que leur sort soit réglé ?» Donc ça c'est le verset que le cheikh a mentionné, pour dire Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il vient, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Qu'attendent-ils sinon que Allah leur vienne ?» Hein, donc la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le verset dans Surat al-Fajr, le verset 22, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Hein, et ton Seigneur viendra, ainsi que les anges, hein, en rang. Et le Cheikh explique, il dit que l'imam al-Ismaili, il dit ensuite, nous croyons en cela, hein, nous croyons en tout cela, tel que cela est venu, sans demander le comment. Hein, sans demander le comment. C'est-à-dire que nous croyons en cela, hein, tout ce qui a été mentionné, on y croit, et que ce sont des choses réelles qui sont affirmées à Allah subhanahu wa ta'ala, mais on ne rentre pas dans le comment. On ne pose pas la question du comment et on n'essaie pas d'imaginer ou de décrire le comment, puisque Allah azza wa jal, il ne nous a pas informés du comment. Hein? Il ne nous a pas non plus informé comment il va venir. Il ne nous a pas informé du comment d'aucune de ses attributs. Et c'est pour cette raison qu'il dit, c'est-à-dire l'imam al-Ismaili, si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu ou aurait voulu nous clarifier le comment, il l'aurait fait. Mais il ne l'a pas fait. Hein? Il ne l'a pas clarifié le comment. Hein? Parce que quand on dit qu'on ne connaît pas le comment, certains parmi les gens de Bid'ah, ils essaient d'interpréter ça en voulant dire qu'il n'y en a pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de comment. En voulant dire qu'il n'y a pas de comment. Et en disant qu'il n'y a pas de comment, c'est comme s'ils essaient de dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'attribut. Hein? Ils essaient de nier l'attribut. Ils pensent que le fait de nier le comment implique ou signifie de nier l'attribut elle-même. Or, si il n'y avait pas de comment du tout, il n'y aurait pas de nécessité ou de raison ou d'utilité de dire qu'il n'y a pas de commun. Hein? Et donc, c'est pour cette raison-là que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il les a réfutés sur ce point-là. Il les a réfutés sur ce point-là dans Al-Hamawiyyah et il les a réfutés également dans Al-Aqidah, Al-Risala, Al-Murakushiyyah. Et dans d'autres de ses livres également, il a clarifié que le kayf, il y en a un kayf, mais on ne le connaît pas. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaît. Et s'il nous avait dit ou informé du comment, on l'aurait su. Mais il ne nous en a pas donné de connaissance ou d'information. Donc, qu'est-ce qu'on fait on ne s'avance pas sur le kayf, sur le comment. On n'entre pas là-dedans, puisqu'on n'a pas de connaissance sur le comment. Mais on affirme l'attribut elle-même, hein, et on affirme sa signification. Donc le cheikh il dit, donc c'est-à-dire donc Allah ne nous a pas clarifié le comment, donc on ne rentre pas dans la description ou l'explication ou la parole sur le au sujet du comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les attributs d'Allah sont dans ce cas affirmés à Allah. Hein? Mais le comment de ces attributs-là, on n'entre pas là-dedans. Parce que Allah Azza wa Jal ne nous a pas expliqué le comment des attributs. Et c'est une chose qui fait partie du raïb, de l'invisible. Et d'un autre point de vue, il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui ressemble à Allah Azza wa Jal. Laysa kamithlihi shay. Et c'est pour ça donc que l'imam al-Sabouni, il a cité ici al-Ismaili qui dit nous nous arrêtons à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié de ses attributs et on s'arrête vis-à-vis de ce qui n'est pas et vis-à-vis de ce qui est équivoque en parlant du commun des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est l'explication. Donc si par rapport aux attributs que Allah nous a mentionnés, on doit les affirmer, ça c'est clair. Et il donne des exemples, comme par exemple la science. Allah subhanahu wa ta'ala, il a la science. Il a la al-qudra, hein, la puissance, la force. Il a al-irada, la volonté. Al-istiwa, il s'est élevé sur le trône. Al-nuzul, il descend au dernier des cieux, hein, au dernier tiers de la nuit. Al-maji, la venue d'Allah azza wa jal. Tous ces attributs sont affirmés dans le Coran et dans la Sunna. Et ça, c'est authentique. Hein? Donc, il nous a clarifié ces attributs-là. On doit les affirmer, nous aussi. Et le commun de ces attributs-là, il ne nous a pas expliqué ça. Il ne nous a pas dit le commun des attributs. Donc, on arrête au commun et on n'essaie pas de rentrer, de discuter ou d'argumenter dans ces sujets-là. Hein? Parce que ça fait partie de la catégorie à propos des attributs qui rentrent dans ce qui est mutashabih, hein, c'est-à-dire le commun fait partie de ce qui est mutashabih. Tandis que les noms eux-mêmes, ça c'est muhkam, ça c'est explicite, c'est sans équivoque. Hein. Les noms d'Allah et les attributs d'Allah, ça c'est sans équivoque. Qu'est-ce qui rentre dans qu'est-ce qui est équivoque ou qu'est-ce qui est mutashabih? C'est le commun à propos de ces attributs-là qui rentrent dans le mutashabih. Tandis que les attributs eux-mêmes, ça c'est muhkam. Hein? Ça fait partie des choses que les sahaba, ils comprenaient et ils expliquaient. Et quand ils parlaient de ces attributs, ils expliquaient la signification de ces attributs-là, sans problème. Hein? Donc le shaykh, il dit, non. Donc nous nous affirmons ce que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié de ses noms et de ses attributs. Et ce qu'il nous a affirmé de ses attributs, on l'affirme comme étant une réalité, hein, c'est pas quelque chose de symbolique ou d'allégorique, hein, parce que la parole d'Allah, elle est véridique, et sa parole, elle ne peut être approchée par le faux, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation d'un sage digne de louange. Ça, c'est le verset 42 dans Sourate Fussilat, hein, qui est mentionné ici. Ensuite, le shaykh dit donc l'information du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques, ça aussi, ça fait partie de la révélation d'Allah. Et donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quelque chose à propos d'Allah et de ses noms et de ses attributs, il ne parle pas de sa passion. Il ne dit pas ces choses-là selon ses désirs. Hein? Ce n'est qu'une révélation qui nous a été révélée d'Allah. Par les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est l'explication des versets 3 et 4 dans Surat An-Najm. Donc, nous croyons en tout ce que tout ce que Allah nous a informé et tout ce que le messager d'Allah a mentionné comme information aussi à propos d'Allah. En ce qui concerne le commun des attributs, hein, eh bien, il dit, le cher, que les attributs que Allah nous a mentionnés, ainsi que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on n'a pas le droit de commencer à essayer de les décrire ou de rentrer dans le commun de ces attributs-là. Il dit, parce que les mushabbiha, c'est-à-dire ceux qui veulent faire ressembler Allah à sa création, eux, ils sont entrés dans le commun, d'accord? Et donc, par conséquent, ils ont fait des ressemblances entre le créateur et la créature. Et ça, c'est du kufr. Et c'est du shirk. D'accord? Et de même que al-mu'attila, les négateurs, eux qui nient les noms et les attributs d'Allah, eux sont tombés dans la négation. Hein? Ils sont rentrés dans la négation des noms et des attributs d'Allah. Et donc, par conséquent, ils sont tombés dans le kufr eux aussi. Donc, le cheikh explique qu'ils sont tous les deux, tous ces groupes, ces deux extrêmes sont dans l'égarement. Et le manhaj, qui est authentique et qui est vrai, c'est ce sur quoi se tenait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses nobles compagnons, radiyallahu anhum ajma'in, c'est-à-dire de croire en les attributs d'Allah, azza wa jal, de la manière qui convient à Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que de la manière qui convient à sa perfection et à sa grandeur, et à sa magnificence, sans faire de déformation des sens des versets qui parlent de ses noms et de ses attributs, sans tomber dans la négation des attributs et des noms d'Allah, sans chercher le commun, sans faire de ressemblance entre le Créateur et la créature, et sans faire de comparaison non plus. Donc, ça, c'est la méthodologie qu'ont suivi les salafs de cette umma à propos des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et c'est la voie à suivre si on veut rester dans la droiture et sur la guidance. Quiconque sort de cette méthodologie-là, il est dévié. Il a complètement erré. Le cheikh, il dit ensuite, Cheikh Rabi' hafizahullah, il dit, « وَاحْتَجَّ بِالْآيَةِ فَقَالْ وَإِذَا كُنَّا قَدْ أُمِرْنَا بِهِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يعني أن الله بين أن القرآن منه محكم ومنه متشابه. فالله سبحانه وتعالى بين المحكم ولم يخبرنا بالمتشابه يعني من ومن المتشابه كيفيات الصفات إذ الصفات ليست من المتشابه وإنما الكيفيات هي التي يرى العلماء أنها من المتشابه والقرآن دليل على هذا فالله أخبر أن القرآن فيه المحكم وفيه المتشابه فالمحكم يجب الإيمان بمعناه لأنه واضح والمتشابه نسلم به إذا استطعنا أن نرد المتشبه أو المتشابه إلى المحكم نرده وإلا سلمنا الأمر لله تبارك وتعالى. Donc le cheikh il clarifie ici la signification du verset 7 dans sourate Al-Imran en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, et il explique comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, parce que le cheikh il a dit que l'imam As-Sabun il a cité ce verset là comme référence par rapport à ce sujet, comme argument. Il dit que Allah Azza wa Jal, c'est ce qu'il nous a ordonné dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le verset 7 dans sourate Al-Imran, dans laquelle Allah Azza wa Jal il dit ce qui signifie « C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Parmi ces versets, il y en a qui sont « muhkamat », c'est-à-dire des versets qui se comprennent par eux-mêmes, qui sont clairs. Ils n'ont pas besoin d'être expliqués par d'autres versets ou par des hadiths. Et ces versets-là sont la base du livre. Tandis qu'il y a d'autres versets qui sont « mutashabihat », c'est-à-dire ils ne font pas partie des muhkamat. C'est pas des versets qui se comprennent par eux-mêmes. Ils ont besoin d'autres versets pour être expliqués et pour être détaillés et clarifiés. Donc, ces versets-là, qui sont mutashabihat, eh bien, les gens qui ont une déviation dans leur cœur, ils cherchent expressément à revenir à ces versets-là dans le but, justement, de profiter du fait que ces versets sont équivoques, qu'ils peuvent avoir plusieurs interprétations, dans le but de faire de la discorde, du désordre, dans le but de semer de la fitna, de la tentation et des égarements, et dans le but de chercher à les interpréter d'une manière, dans le but de d'égarer les gens. Alors qu'en réalité, comme il explique ici ensuite dans la suite du verset, c'est seulement Allah Azza wa Jal qui connaît sa signification ou la signification de ces versets équivoques, ainsi que ceux qui sont fermement ancrés dans la science ou enracinés dans la science, et ils disent « nous y croyons ». Tout cela vient de notre Seigneur, et nul ne se souvient excepté ceux qui détiennent la raison. Hein? Donc, Allah Azza wa Jal, dans ce verset-là, il nous fait comprendre que parmi les versets du Coran, il y en a qui sont muhkam, qui sont clairs et explicites, et qui ne sont pas équivoques. Ils se comprennent par eux-mêmes. Tandis qu'il y a d'autres versets qui sont mutashabih. Ils ont plusieurs possibilités d'interprétation. Et on ne peut pas les comprendre tout seul. Il faut les ramener à d'autres versets ou à des hadiths pour les comprendre. Et Allah Azza wa Jal nous explique donc que, yani, il nous a expliqué ce qui est muhkam et il ne nous a pas détaillé hein, ou expliqué ou informé de ce qui est mutashabih. Ici, le cheikh explique que qu'est-ce qui est mutashabih par rapport aux attributs d'Allah, c'est le commun de ces attributs. Parce que Allah Azza wa Jal ne nous a pas dit comment sont ces attributs. Il nous a seulement expliqué qu'il a ces attributs-là et qu'il faut les affirmer. Il nous a dit qu'il est alim, qu'il est hakim, qu'il est qadir, qu'il est hay, qu'il est mustawin ala arshe. Hein? Il nous a dit tout ce qu'il a dit, qu'il va venir au jour de la résurrection, qu'il a un visage, qu'il a des mains, et ainsi de suite. Il nous a dit ça. Et le commun de ça, il ne nous l'a pas expliqué. Donc ça c'est mutashabih. Le commun, c'est ce qui est mutashabih. Et c'est ce que les ulama ont expliqué. Ils ont dit, en ce qui concerne le commun, ça c'est ce qui est mutashabih. Hein? Et la preuve, hein, c'est que Allah Azza wa Jal, il nous le dit dans le Coran. Hein? Il nous a expliqué ce qui est muhkam. Il nous a expliqué ce qui est mutashabih. Et ce qui est muhkam, c'est obligatoire d'y croire et de croire en sa signification. Et ça, c'est clair. Donc, c'est obligatoire de croire en les noms d'Allah et en ses attributs et de croire en la signification de ces noms-là et de croire en la signification de ces attributs-là. Et c'est pas des mots étrangers, dans le sens que pour les Arabes, ces mots-là sont très bien compris, facilement compris. C'est des mots dans la langue arabe, dans une langue arabe pure et claire. Donc, quand ils entendent ces attributs d'Allah et ces versets qui parlent des noms d'Allah, c'est pas étrange pour eux. C'est pas quelque chose d'inconnu pour eux. Ils le connaissent. Ils connaissent la signification de ces noms et de ces attributs. Mais le commun, hein, comment ils s'appliquent à Allah, comment ils sont par rapport à Allah, ces attributs et ces noms-là, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. Hein? D'accord, donc c'est ça qui est, qu'est-ce qui est mutashabih, c'est le commun. En ce qui concerne le commun, on s'en remet à Allah Azza wa Jal, hein, parce qu'on n'est pas capable de savoir ce que Allah nous a pas dit. Hein? Ça fait partie du raïb. Tandis que dans des éléments, par exemple, des choses qui nous ont été clarifiées par Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui font partie de ce qui est mutashabih, si on est capable de le ramener à ce qui est muhkam pour le comprendre, on le fait. Et si on n'est pas capable, eh bien on se soumet à Allah et à son ordre par rapport à ces éléments-là. Ensuite, le cheikh, il continue, cheikh l'imam al-Sabuni, maintenant il va continuer à expliquer ce principe-là par rapport à la foi en Allah Azza wa Jal et en ses attributs. Donc il dit ensuite, وأخبرنا أبو بكر ابن زكريا الشيباني سمعت أبا حامد ابن الشرقي يقول سمعت أحمد السلمي وأبا داود الخفاف يقولان سمعنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي يقول قال لي الأمير عبد الله ابن طاهر يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟ قال قلت أعز الله الأمير لا يقال لرب لا يقال لأمر الرب كيف إنما ينزل بلا كيف. حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل حدثنا محبوب ابن عبد الرحمن القاضي حدثني أبو بكر ابن أحمد ابن محبوب حدثنا أحمد ابن حموية حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي حدثنا محمد بن السلام سألت عبد الله بن المبارك في نزول ليلة النصف من شعبان فقال عبد الله يا ضعيف ليلة النصف ينزل في كل ليلة فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل أليس يخلو ذلك المكان منه فقال عبد الله ينزل كيف يشاء وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له وسمعت الحاكم أبا عبد الله رحمه الله يقول سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول سمعت أحمد بن سعيد ابن إبراهيم بن عبد الله الرباطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم فقال له بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال نعم قال كيف ينزل؟ فقال له إسحاق أثبته فوق حتى أصف لك النزول فقال له الرجل أثبته فوق فقال له إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا فقال الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة فقال إسحاق أعز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم. Donc ça c'est quelques citations des salaf sur ces questions là. La première narration qui est rapportée selon Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali et il s'agit ici de Ishaq ibn Rahouya, un des imams parmi les imams des salaf. Il dit que l'Amir Abdullah ibn Tahir, il lui a posé la question « Ya Aba Ya'qub » et ça c'est sa kunya, hein, la kunya de l'imam Ishaq ibn Rahouya, c'est Abu Ya'qub. Il dit « Le hadith que tu rapportes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que notre Seigneur descend dans chaque nuit au ciel du monde d'ici-bas, comment descend-il ?» Et il a répondu en disant que Allah honore l'amir. On ne dit pas à propos d'Allah comment. Hein? On ne dit pas à propos d'Allah comment il descend sans comment. Hein? Sans qu'on dise le comment. Après, il mentionne une autre narration encore une fois, mais cette fois-ci, la question qui est posée, elle est posée à l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, un autre imam parmi les imams des salafs. Lorsqu'on lui a posé la question à propos de la descente du milieu du mois de Sha'ban, il lui a posé la question à propos de la descente de la nuit du milieu du mois de Sha'ban. Alors l'imam Abdullah a répondu, il a dit « Ya da'if, laylat al-nisf, yanzilu fi kulli layla » Il a dit ça c'est en voulant dire « Oh le faible hein, » en voulant dire que ça c'est faible ce hadith à propos de la descente d'Allah du milieu du mois de Sha'ban. Et il dit « il descend chaque nuit, hein, comme c'est mentionné dans le hadith. » Alors l'homme a dit « Oh Abba Abdurrahman » c'est-à-dire l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, sa kunya c'est Abu Abdurrahman. Il dit « Comment descend-il hein? N'est-ce pas que s'il descend, il s'enlève de l'endroit d'où il est pour descendre ?» C'est-à-dire, il quitte un endroit pour descendre et il dit, Faqala Abdullah, l'imam Abdullah ibn al-Mubarak lui a répondu, il descend comme il veut. Et dans une autre narration, il a dit, hein, dans une autre narration de cette histoire, il a dit que Abdullah ibn al-Mubarak a dit à l'homme, lorsque te vient le hadith du messager d'Allah, soumets-toi-y, hein, soumets-toi à sa parole. C'est-à-dire que tu ne dois pas commencer à rentrer dans des, hein, dans tes argumentations à propos des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou à propos des noms et des attributs d'Allah. Si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit quelque chose, tu te soumets, hein, tu te soumets à sa parole. Et tu ne rentres pas dans ton imagination ou commencer essayer d'imaginer les choses. Comment il descend? Est-ce que s'il descend, ça veut dire qu'il y a un endroit qui se vide, hein, ou quoi que ce soit? Ça, tu dépasses la limite quand tu commences à rentrer dans ce genre de questionnement. Et ça, c'est le genre de questionnement dans lesquels rentrent les philosophes et les gens de bid'ah et les gens de kalam. Et ça, souvent, c'est ce qui les amène par la suite à tomber dans la négation, hein, ou dans le tashbih. Hein. Et donc, ça, c'est très, très dangereux. Et c'est ce qui a été interdit par les salafs. Et l'obligation, c'est d'affirmer ce qui est affirmé et de nier ce qui est nié. Une autre narration qui est mentionnée également, et celle-là, c'est une autre narration de l'imam Ishaq ibn Rahouya, rahimahullah. Ce grand imam, on lui a posé encore une fois la question à propos du hadith qui mentionne la descente d'Allah Azza wa Jal. On lui a dit, est-ce que cette narration est authentique? Il a dit oui. Alors, certains parmi les généraux qui étaient présents, ou les chefs de l'armée qui étaient avec le dirigeant, ils ont posé la question, ô Abu Ya'qub, est-ce que tu prétends que Allah Azza wa Jal, il descend à chaque nuit? Et il a répondu oui. Alors, il a dit, et comment il descend? Alors, l'imam Ishaq, il a répondu, il a dit, premièrement, commence par l'affirmer commence par affirmer que Allah est au-dessus de sa création avant de le décrire comme avant de décrire qu'il descend ou avant de le décrire comme ayant la descente, hein, comme attribut. Et l'homme a répondu, il a dit, j'affirme qu'il est au-dessus de sa création. Alors Ishaq lui a dit, Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset dans le Coran, et ton Seigneur viendra, de même que les anges en rang. Alors, Al-Amir, Abdullah ibn Tahir, le dirigeant de l'époque qui était là avec lui, il a dit, ô Abu Ya'qub, en parlant de l'imam Ishaq ibn Rahouya, il dit, ô Abu Ya'qub, ça c'est au jour de la résurrection que ça va arriver, quand Allah va venir. Et l'imam Ishaq, il lui a répondu, il lui a dit que Allah honore le dirigeant, l'amir, et celui qui vient au jour de la résurrection, en voulant dire Allah, s'il peut venir au jour de la résurrection, qu'il l'empêche de venir aujourd'hui, en voulant dire que si Allah il décide qu'il veut venir au jour de la résurrection, s'il veut, il peut venir quand il veut, hein, et si c'est le cas, eh bien dans ce cas-là, il peut descendre aussi au plus bas des cieux quand il veut. Hein? Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet qu'il venait chaque nuit. Donc, on affirme qu'il vient chaque nuit. Hein? Et ensuite, donc, le cheikh Rabi' hafizahullah, il explique ces narrations-là. Il dit, « Hadihi qisas li Ishaq ibn Rahouya, rahimahullah, qala li al-amir Abu Abdullah ibn Tahir, ya Aba Ya'qub, هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟ قال قلت أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب كيف إنما ينزل بلا كيف يعني نؤمن بالنزول ونثبته لله لكن لا نكيف وستأتي قصة أخرى وقعت له ولعلها نفس القصة وإنما النقلاء اختلفوا في نقلها فالله أعلم. Donc il dit, en commentant la première histoire, hein, il mentionne le fait que il mentionne que le dirigeant lui a posé la question à Ishaq ibn Rahouya, rahimahullah, ô Abu Ya'qub, le hadith que tu rapportes du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que notre Seigneur est descend au plus bas des cieux le dernier tiers de la nuit, chaque nuit, comment il descend? Et il lui a répondu en disant, yani, on ne doit pas dire comment à propos de notre Seigneur, puisque il descend sans qu'on connaisse le comment. Et Cheikh Rabi, il explique, il dit, c'est-à-dire que nous croyons en la descente et nous l'affirmons à Allah Azza wa Jal, sauf que on ne rentre pas dans le comment. On ne cherche pas à connaître le comment. Et il dit, il y a une autre histoire qui est mentionnée par la suite. C'est la troisième histoire qu'on avait lue. Pardon. Donc la troisième histoire qui mentionnait justement que il y a quelques détails qui ont été mentionnés dans l'autre histoire qui n'ont pas été mentionnés dans celle-ci. Et le cheikh dit c'est possible que ce soit la même occasion que ces deux histoires-là se sont produites. Hein? C'est arrivé dans au même moment, sauf que les rapporteurs de l'histoire ont mentionné des aspects différents de la discussion. Hein? Wallahu a'lam. Après le cheikh, il dit وقال وحدثنا محمد السيت la chaîne de transmission jusqu'à ce qu'il dise سألت عبد الله ابن المبارك في نزول ليلة النصف من شعبان فقال عبد الله يا ضعيف ليلة النصف ينزل في كل ليلة فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل أليس يخلو ذلك المكان منه فقال عبد الله ينزل كيف يشاء ما نقول يخلو أو ما يخلو إنما ينزل كيف يشاء لأن صفات الله نزوله ومجيئه وغيرها يعني ليست لأن صفات الله نزوله ومجيئه وغيرها ليست كصفات المخلوقين بل تختلف تماما إذن نؤمن بالنزول لكن لا نكيف وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له أو فصغي إليه يعني يشير إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما فيجب التسليم لما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الذي لا ينطق عن الهوى وهذا هو الإيمان الصحيح لا تثير الغبار والشبه حول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تسلم وبدون تكييف لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا عن الكيفيات وقصة أخرى وقعت لإسحاق أو هي القصة نفسها لكن اختلف اللفظ فيها والله أعلم قال راوي القصة حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم قال فقال بعض قواد عبد الله يعني يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال نعم قال كيف ينزل؟ قال له إسحاق أثبته فوق حتى أصف لك النزول فقال له الرجل أثبته فوق فقال له إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا يعني إذا كنت تشك في صحة الحديث فالقرآن قد تحدث عن هذه الصفة فهل تكذب بالقرآن وتشك في صحته فقال الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة فقال إسحاق عز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم أي الذي يأتي يوم القيامة ما الذي يمنعه أن يأتي اليوم إذا كان ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، يعني أجاب إجابة عقلية مفحمة تماما فأسكته. وعبد الله بن طاهر هذا من خيار الأمراء، وكان يقرب العلماء ومنهم إسحاق. Donc ici le cheikh il explique par rapport à la parole de Abdullah ibn al-Mubarak en premier, le fait que il a mentionné que Allah Azza wa Jal il descend au dernier, yani quelqu'un lui a posé la question au fait que yani par rapport à une question de la descente d'Allah, et il demandait justement est-ce qu'il descend dans la nuit du milieu de Sha'ban. Alors Abdullah, l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, il a répondu en disant ya da'if laylatan nisf, en voulant dire ça c'est faible, il n'y a rien qui est authentique à ce sujet là parce que c'est les gens de bid'a qui célèbrent la nuit du milieu du mois de Sha'ban, il n'y a rien d'authentique à ce sujet là Wa alaykoum salam wa rahmatullah. En plus il lui dit que Allah Azza wa Jal il descend chaque nuit, c'est pas la nuit dans un mois en particulier, c'est chaque nuit de l'année. Et donc l'homme il a dit à l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, il a dit ya Aba Abdurrahman, comment il descend, est-ce que quand il descend l'endroit où il était se vide de sa présence? Et il a répondu, c'est-à-dire l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, il a répondu en disant il descend comme il veut. Et Cheikh Rabi il dit tu dois pas te demander est-ce que l'endroit où il était se vide ou ne se vide pas, hein? Tu ne dois pas dire quoi que ce soit de ce genre. Est-ce que ça, l'endroit se vide de sa présence ou non? Tu dois seulement dire qu'il descend comme il veut. Parce que les attributs d'Allah Azza wa Jal, que ce soit sa descente, sa venue ou d'autres, elles ne sont pas comparables aux attributs des créatures. Elles sont totalement différentes des attributs des créatures. Et donc, nous croyons que Allah Azza wa Jal, il descend, sans chercher à connaître le comment. Et dans une autre narration, l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, il a dit, à propos de, dans cette histoire, il a dit à l'homme, lorsque le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam te parvient, alors soumets-toi à sa parole. Et dans une autre narration, il a dit, fasri ilay. C'est-à-dire, écoute sa parole. Et il fait allusion à la parole d'Allah Azza wa Jal dans le Coran, le verset 65 dans Surat An-Nisa, lorsque Allah Azza wa Jal a dit, « Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils t'aient pris comme un juge dans tout ce qu'ils ont entre eux comme dispute ou comme désaccord, et qu'ils n'aient trouvé en eux-mêmes aucune gêne de ce que tu auras décrété et qu'ils s'y soumettent entièrement. » Donc, il est obligatoire pour le musulman de se soumettre complètement à ce qu'il a entendu venant du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le véridique, parce qu'il ne parle pas selon sa passion. Et ça, c'est la foi authentique et la foi correcte. Donc, il n'y a pas de poussière ou de doute ou d'ambiguïté autour de ce qui vient du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut uniquement s'y soumettre sans chercher à connaître le comment ou imaginer ça. Parce que le messager d'Allah, Azza wa Jal, ne nous a pas informé du comment à propos des attributs d'Allah. Et dans une autre histoire qui est arrivée à l'imam Ishaq ibn Rahoya, rahimahullah, hein, et probablement que c'est la même histoire, mais qui a été mentionné de façon différente dans sa formulation, et Allahu A'lam, hein, il dit donc que yani, il était présent dans une assise avec un dirigeant, un amir, et c'était Abdullah ibn Tahir. Et Ishaq ibn Rahoya, l'imam, il était présent à ce moment-là. Et on lui a posé la question à propos du hadith de la descente d'Allah Azza wa Jal chaque nuit. Est-ce que c'est authentique? Il a répondu oui. Alors certains des gens qui étaient là parmi les dirigeants, les gouverneurs de ce dirigeant, Abdullah ibn Tahir, il a posé la question à l'imam Ishaq. Ya Aba Ya'qub, est-ce que tu prétends que Allah descend chaque nuit? Il lui dit oui. Hein? Et l'autre lui a posé la question, comment est-ce qu'il descend? Alors Ishaq lui a répondu, affirme qu'il est au-dessus de sa création en premier pour que je te décrive comment il descend. Alors il lui a dit, j'affirme qu'il est au-dessus de sa création. Alors Ishaq lui a dit, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Et ton Seigneur vient, ainsi que les anges, en rang. Alors, c'est comme Cheikh Rabi, il dit, c'est comme s'il lui posait la question, est-ce que tu doutes en l'authenticité de ce hadith? Alors que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne cet attribut-là. Il mentionne que Allah, il vient. Ou bien est-ce que tu dément le Coran et tu doutes de son authenticité? Alors Al-Amir, le dirigeant, il a répondu en disant, hein, Abdullah ibn Tahir, il a dit à Ya Aba Ya'qub, c'est-à-dire l'imam Ishaq ibn Rahouya, oh Aba Ya'qub, ça c'est au jour de la résurrection que Allah va venir. Alors Ishaq lui a répondu, il lui a dit, hein, que Allah honore le dirigeant. S'il peut venir au jour de la résurrection, qu'est-ce qui l'empêche de venir aujourd'hui? Hein? S'il veut, il peut venir aujourd'hui. Donc, Cheikh Rabi, il explique par rapport à cet argument-là, il lui dit, donc celui qui va venir au jour de la résurrection, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qui l'empêche de venir aujourd'hui s'il veut? Hein? Donc, il dit, s'il veut descendre au plus bas des cieux, chaque nuit, il fait qu'est-ce qu'il veut. Il descend comme il veut. Alors, il lui a donné un argument rationnel qui l'a complètement grillé et qui l'a fait complètement se taire. Il ne peut plus argumenter avec cet argument-là. Parce que si tu as des doutes du fait que Allah Azza wa Jal, il va venir au jour de la résurrection, ou bien si quelqu'un, par exemple, il doute de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah descend au dernier tiers de la nuit chaque nuit. T'as des doutes là-dedans? Allah, il dit qu'il vient au jour de la résurrection. Est-ce que t'as un doute là-dedans aussi? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Non. Hein? Si t'as pas de doute en ça, si Allah est capable de venir au jour de la résurrection, qu'est-ce qui l'empêche de venir aujourd'hui? Et qu'est-ce qui l'empêche donc dans ce cas-là de descendre au plus bas des cieux chaque nuit s'il veut? Il n'y a rien qui l'empêche. Donc qu'est-ce qui t'empêche de l'affirmer. Surtout que tu ne connais pas le comment. Et le cheikh, il explique et il dit, et Abdullah ibn Tahir, cet amir qui posait la question à l'imam ibn Rahouya, il était un des meilleurs parmi les dirigeants. Et il était proche des savants. Et il rapprochait les ulamas de lui. Il aimait les ulamas, il aimait leur compagnie. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et on continuera la semaine prochaine, bi'idhnillah, la suite de cette explication, des autres explications. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.